بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في آخر الحديث من هذا الباب، dernier حديث de ce chapitre qui est le jugement de la salat en jama'a et son obligation. في الحديث السابع والخمسين، 57e حديث. Qui lui, comme cela va être clarifié, c'est le hadith qui vient pour démontrer l'obligation, justement, de cette salat en jama'a pour les hommes. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق في رجال معهم عزم من حطب لقوم لا يشهدون الصلاة فأهلك عليهم بيوتهم بالنار. Donc il a dit, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la salat la plus lourde, plus pénible pour les munafiqin, les hypocrites, ce sont celles du Isha et celles du Fajr. Et que si jamais ils savaient ce qu'elles contenaient, c'est-à-dire comme récompense, ils s'y rendraient même à quatre pattes. Même à quatre pattes. Et il a dit, j'aurais souhaité que la salat soit appelée, qu'elle s'accomplisse. Ensuite, j'ordonne à une personne de prendre ma place et de faire la salat, de présider la salat en groupe pour les gens. Puis que je m'en aille avec des hommes, avec un groupe d'hommes, qui prendra avec eux des fagots de bois, pour aller vers les gens qui n'assistent pas à la salat en groupe, pour brûler sur eux leur maison. Pour brûler leur maison sur eux. Par le feu. Naam. ويقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الراوي Le rapporteur, c'est Abu Huraira, dont la tarjama a déjà été citée auparavant. Et le sujet du hadith, c'est Bayan Hukm Salat al-Jama'a. C'est pour montrer justement le jugement de la salat en groupe. Non. Et le hadith, son sens, il est wadih, il est clair. Donc il dit dans le shah al-Ijma'li, le sens global du hadith, l'explication globale du hadith. الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين. Que toutes les salawat en réalité sont lourdes pour les munafiqin. لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون بفائدة الصلوات. Car ils ne croient pas en Allah et ils ne croient pas en l'intérêt, le profit qu'apporte les salawat. فإذا صلوا فإنهم لا يصلون لرغبة في ثواب الله ولا لخوف من عقابه. Car les amis font la salat, ils ne la font pas par envie de convoitise de la récompense d'Allah, ni par peur de son châtiment. Et qu'ils le font, ils le font juste pour que les gens les voient, pour pouvoir dissimuler leur hypocrisie. Et là, avant de poursuivre dans cette explication, j'aimerais m'arrêter sur la parole du Cheikh lorsqu'il dit فَإِذَا صَلَّوْا فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ لِرَغْبَتِي فِي ثَوَابِ اللَّهِ وَلَا لِخَوْفِي مِنْ عِقَابِهِمْ. Qu'ils ne font pas la salat. Ils ne font pas la salat en but de rechercher la récompense d'Allah, ni par peur de son châtiment. Cette faqra, elle est importante, car elle amène à réfuter une pensée innovatrice, et dire même zindiqa, ça veut dire, c'est des zindiqa, c'est une forme d'hypocrisie, que l'on trouve chez beaucoup de gens aujourd'hui. Elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Mais elle se répand beaucoup, surtout chez les gens du tasawuf, les soufis, qui prétendent n'aimer Allah que pour Allah lui-même et non pas pour son paradis et ni pour son nar, par peur qu'il n'adore pas Allah dans le sens par peur de son châtiment, de son feu, ni par convoitise dans son paradis. Mais ils le font pour Allah lui-même. Les a attirés. Et cette parole-là, elle est fausse. Elle est fausse et elle revient à diffamer la hikmah d'Allah Azzawajal. Et elle s'oppose à plusieurs adillah. Déjà, en premier lieu, c'est relève de la voie des anbiya. Les prophètes n'étaient pas sur cette voie-là. Comme a dit Ta'ala à Zakariya, قال إنهم كانوا يصدعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين. Que certes, ils se hâtaient vers les actes de bien et nous invoquaient par convoitise et par crainte, c'est-à-dire convoitise de notre récompense et pas crainte de notre châtiment. Ils étaient devant nous humbles. Ils étaient humbles devant nous. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à maintes reprises a incité les gens à agir pour obtenir le Jannah ou par peur d'obtenir le feu. Quand cet homme qui était dans la bataille de Uhud, ce Arabi, ce Bédouin, qui mangeait des dattes, et qu'il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Izay kutiltu ayna ana, si jamais je suis tué, où est-ce que je serai ?» Il a dit « Fil Jannah ». Donc il a jeté les tames qu'il avait dans la main, il s'est jeté au combat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Tu seras aimé d'Allah », ou plutôt « Tu fais, faut que tu fasses cela par amour pour Allah ». Il lui a dit « Tu seras au Jannah ». Pour le motiver à agir. Pour avoir, on va dire, cette chose qui le pousse à vouloir obtenir cette récompense d'Allah. Et vouloir le paradis d'Allah, ça amène à aimer Allah de toute façon. Ça, c'est ça, l'un ne va pas sans l'autre. Mais des gens veulent faire croire qu'agir de la sorte, c'est une adoration par intérêt. On dit non, c'est Allah Azzawajal qui a décrété cela pour nous. Comme Allah Ta'ala, « Wassadi'u li ma'falatin min rabbikum, ou jannatin, ordu wa samawat wa ard, uidat al-muttaqin. » Il a dit, hâtez-vous, précipitez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis dont la largeur est aussi grande que celle des cieux de la terre. وَقَالَ تَعَالَى وَدْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَرًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Et invoquez-le par peur et par envie, par convoitise, et que la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. يَقُولُ سُبْحَانَهُ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَرًا. Qu'ils arrachent leur coude, c'est-à-dire ils se lèvent la nuit de leur lit, d'accord, et ils invoquent leur Seigneur par peur et par envie de ce qu'il a. وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Et craignez le feu qui était à la base préparé pour les mécréants. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Et craignez le feu dont le combustible sont les hommes et les pierres, qui a été préparé pour les mécréants. Combien de hadiths sont venus par lesquels Allah Azzawajal nous appelle à vouloir son paradis et nous appelle à avoir peur de son châtiment du feu. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Inna al-jannah akrab ila ahadikum min shirakni alihi wa nar kathalik. » Que le feu ou le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que ses propres lacets. C'est-à-dire c'est le moyen de rentrer au Jannah est très proche. Il a dit, et le feu également, pour faire peur. Pour motiver et pour faire peur. Donc ce n'est pas une chose par intérêt, c'est une chose que Allah Azza wa Jalla, dans sa sagesse, nous a appelé à vouloir cela. Mais bien évidemment, dans le Jannah, la plus grande récompense, c'est le fait de voir son visage. C'est le fait de le voir. Donc ce qui inclut le fait que l'on aime. Donc cette pensée de ces gens-là, elle est complètement fausse, et c'est une pensée qui est égarée, qui appelle à l'égarement. Qui appelle à faire croire qu'en fait, Allah Azza wa Jalla a créé un paradis et un enfer pour rien du tout. Il n'y a pas besoin de cela pour qu'on l'adore. Donc ça revient à dire que c'était créé futilement. Wali Azzabillah. Donc c'était pour en revenir à ce point-là. Donc on poursuit par rapport à ce que dit le Shir. Par rapport à ce hadith-là. Yaqul إنه أخبر بأن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر لأنهما وقت الراحة والنوم والمرأة فيهما مفقودة غالبا حيث لا يراهم الناس في الظلام. Donc il a dit, et les plus pénibles pour eux, pour les munafiqoun, c'est la salat du Fajr et du Isha, car ce sont des salats qui ont lieu à l'heure du repos, au moment où tu dors. Et également, ce sont des salats qui, à laquelle tu peux ne pas être vu par les gens du fait qu'elles ont lieu dans l'obscurité. Le Fajr, cela a lieu au moment où le soleil se lève, donc il fait encore sombre, et le Isha, ça a lieu à la tombée de la nuit. Au moment où il n'y a pas de lumière également. Donc ça les arrange. Comme ça, ils ne sont pas vus des gens. فَمِنْ أَجْلِ الْمَانِيَ وَقِلَّةِ الدَّافِعِ كَانَتْ أَثْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَيْهِمْ. Donc du fait que de ce que vient d'être cité là, elles sont les plus lourdes pour eux. Car ce sont les salats à la base à laquelle ils pourraient le plus échappé, selon eux. Donc cela est pénible pour eux de se rendre à ce salawat-là. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن في هاتين الصلاتين من الأجر والثواب ما يقتضي ألا يفرط فيهما ولو كانوا يعلمون ذلك علم إيمانا ويقينا أن يأتوا إليهما ولو حبوا. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم a bien démontré que dans ces deux salats, ce qu'elles comportent comme récompense, d'accord, qui implique que la personne ne pourrait être laxiste ou négligente face au fait de s'y rendre. S'ils savaient vraiment ce qu'ils avaient comme bien, ils s'y précipiteraient, quand bien même devraient venir en rampant ou en marchant à quatre pattes. ثم أكد أنه هم بأمر يضطر به من لم يأتي الصلاة رهبة في ثواب الله وخوفا من عقابه إلى أن يأتي إليها خوفا من عقاب الدنيا. Et donc il a dit justement qu'il a confirmé cela, que pour les gens justement qui délaissent cette salat là, d'accord, qui délaissent justement cette convoitise dans la récompense d'Allah et qui n'ont pas peur de son châtiment, le Qiyama, alors qu'ils se rendraient vers eux pour leur appliquer un châtiment qu'ils craignent, mais en ce bas monde. C'est-à-dire le fait de brûler leur maison sur eux. Si tu n'as pas peur du feu de l'au-delà, car tu n'y crois pas vraiment vu que tu es munafiq, d'accord, eh bien on va te faire peur du feu de la dunya, car celui-ci tu connais. Ah là, ou à cause de l'Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, fiyé. قصد الشيخ عفوا في هذا التعليق في الكومنتير. فهم أو فهم فهم عفوا نعم فهم صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالصلاة فتقام ويأمر رجلا يصلي بالناس ثم يذهب برجال معهم حزب من حطب إليكم تخلفوا عنها فلم يشهدوها فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. Donc après, il a expliqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait souhaité ordonner à un homme de présider la salat à sa place pour ensuite réunir des gens avec lui qui prennent des facots de bois pour se rendre vers les maisons de ceux qui ne viennent pas assister à la salat en groupe pour brûler sur eux leur maison. Yaqul, fawaid al-hadith, parmi les enseignements de ce hadith, thiqal al-salawat ala al-munafiqin, wa inna afqal al-salawat alayhim salat al-isha wa al-fajr. Que cela montre qu'à la base, toutes les salawat elles sont lourdes et pénibles pour les munafiqin, mais les plus lourdes pour eux, ce sont celles du Isha et celles du Fajr. Thaniyan, anna thiqal as-salat ala al-insan yadullu ala anna fi qalbi nifaqan falyubadir bitakhallus minhu. Et il dit justement que cette lourdeur de la salat, le fait de trouver lourd le fait de se rendre dans la salat, d'accord, cela montre qu'il y a de l'hypocrisie dans le cœur de la personne, donc il doit faire en sorte de se précipiter, de s'en débarrasser. Et là, il parle d'une lourdeur qui est liée à l'adoration en elle-même et non pas à la situation. Car parmi les nawaqid de l'islam, le fait de détester une chose de la religion. Et là, il est possible que la personne déteste une chose juste par, on va dire, du côté de sa situation en elle-même et non pas de l'adoration en elle-même. Par exemple, quelqu'un qui est en train de dormir, tu le réveilles pour aller faire la salat, c'est sûr qu'il y aurait une lourdeur pour lui à ce moment-là. Car il voudrait dormir. Ça ne veut pas dire qu'il déteste la salat. Ça veut dire que la situation là, du réveil, en soi, pour lui, elle est pénible. Mais si j'ai une nafsa, il arrivera, il aura plus de récompenses. Comme on l'a dit dans le hadith, dans le verset tout à l'heure, ils arrachent leur côté, leur flanc, de leur lit. Ça veut dire que c'est une chose qui est difficile. Pourquoi? Pour se lever la nuit, faire qiyam al-layl. Car c'est une chose à la base que l'âme ne veut pas. Le sommeil est une chose qui est agréable pour elle. Elle veut continuer dans son sommeil. Ou comme encore le Ta'ala, Kutiba alaykum al-qital wa kurhun lakum. Et le jihad, le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable. Pourquoi? Ce n'est pas que les gens détestent le jihad en lui-même, mais la situation du jihad par tout ce que cela inclut comme peur, comme fatigue, comme probabilité de mourir ou d'être blessé, grièvement blessé, de perdre les proches et al-zalika. Les choses qui sont liées à l'âme en elle-même et non pas à l'adoration en elle-même. Donc différencier entre les deux situations. Entre le fait que la salat en elle-même soit une lourdeur, là, c'est ça que le chef fait allusion, et non pas le fait que, des fois, dans certains cas, le fait d'y s'y rendre peut apporter une lourdeur à la personne par rapport à ce qu'il, à la situation dans laquelle il se trouve, précisément. Ce qu'on appelle la karaha nafsiya, la tabiriya plutôt. Il y a la karaha diniya, le fait de détester une chose de la religion, pour cette chose-là en elle-même, et la karaha tabiriya, c'est le fait de détester une chose, cela est lié à l'âme de la personne. Ah ben. Après, il dit يقول وعظم الصواب في صلاة العشاء والفجر مع الجماعة أنهما جديرة بالإتيان إليهما ولو حبوان. Que justement, l'immensité de la récompense de ces salawat là, du Fajr et du Isha, justement de faire en sorte que les gens, s'il la connaissait, ils viendraient ne serait-ce qu'en étant à quatre pattes. Ça veut dire de tout prix de se rendre à cette salawat-là. Rabi'an, wujub salat al-jama'a ala rijal. Lien al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hamma bi tahriq buyut al-mutakhalifin anha. Alayhim wa la yaham bihadi al-kukuba illa man min ajli tark al-wajib. Et que cette salat est obligatoire juste pour les hommes, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a menacé justement de devoir, de vouloir bouder leur maison sur eux. Ce qui n'existe pas cette salat-là. Et que ce genre de châtiment ne peut être donné que pour une chose qui est obligatoire. Elle n'est obligatoire que pour les hommes et pas pour les femmes en groupe, comme cela va venir dans le prochain chapitre, Inch'Allah. Après, on avait cité qu'il y avait un khilaf par rapport à cette salawat en jama'a. Ces salawat en jama'a, certains ulama voient que c'est juste une sunna, d'autres voient que c'est juste un fard kifayi, c'est-à-dire si certains s'en occupent, elle n'est plus obligatoire pour d'autres. Et le qawl sahih, c'est qu'elle est obligatoire, c'est un fard ayn à chaque homme. À chaque homme. En mesure de pouvoir s'y rendre. Et parmi la dilla de cela, qui prouve que c'est une obligation, déjà ce hadith-là, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne va pas vouloir brûler des maisons sur des gens pour une chose qui est surrogatoire ou qui est juste un fard qui faille. Car à la base, dans le hadith, il dit que si jamais des gens le faisaient, lui il s'en irait pour brûler les maisons. Donc si jamais c'était un fard qui faille, il n'y aura pas besoin de faire cela. Si des gens s'en chargent, pas besoin d'aller brûler les maisons des autres qui ne sont pas venus. Ça, c'est une chose. كذلك dans le hadith de cet homme qui était aveugle qui a demandé la permission au Nabi sallallahu alayhi wa sallam de ne pas assister à la salat en groupe des difficultés qu'il a rencontrées à se rendre vers le masjid. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé est-ce qu'il entendait l'azan. Il a dit oui, il lui a dit tu n'as pas d'excuse. Un aveugle, s'il entend l'azan, il doit se rendre à la salat en jama'a. Et كذلك parmi les plus grands adillah, les plus forts qui est, c'est ce qu'on appelle salat al-khawf, c'est-à-dire même lors du combat, la salat en jama'a ne doit pas être délaissée. Comme c'est vu dans le surat al-Nisa, comment les guerriers, les combattants, lorsqu'ils sont en groupe devant l'ennemi, ils font la salat. Maintenant, durant le combat en lui-même, c'est autre chose. Mais là, maintenant, tu es en face à l'ennemi, et lors de la salat, elle est venue, vous êtes en jama'a, vous faites la salat en jama'a. Ce qui prouve qu'elle est obligatoire. Sans quoi, les gens feraient ce qu'ils veulent à ce moment-là. Non. فَهَذَا الَّذِي وَرَدَّنَا سْكُورْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Et on va s'arrêter aujourd'hui à ce stade-là. Walhamdulillah Rabbil Alameen.